Avec nous présents dans les studios, Bachel Skander, bonjour. Bonjour Lada. Bonjour, alors vous faites partie du staff de l'agence de communication Agence 84 et vous êtes aussi l'initiateur du site Algérie 360. Nous reviendrons plus longuement avec vous sur le pourquoi, le comment et le devenir de ce site, mais avec nous aussi au téléphone Monsieur Ansar qui lui eh bien fait partie de la rédaction et de l'équipe du journal en ligne, du journal électronique selon l'expression consacrée, c'est même lui le directeur d'Algeria Focus. Bonjour Monsieur Ansar. Oui, bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Merci de votre disponibilité. Alors, pour confronter les deux façons de faire, alors, pouvez-vous nous présenter Algeria Focus en quelques mots? En fait, c'est algérie-focus.com. Mm-hmm. C'est un journal électronique, comme vous l'avez bien souligné, qui a été lancé le 1er novembre 2008. Une date pleine de symbolique. Oui, exactement. En fait, c'était juste pour essayer à notre niveau de donner un ton un peu spécial sur Internet, sur le Internet algérien. Donc on l'a lancé au départ avec 5 journalistes, y compris moi, et un webmaster. Oui. Notre but, c'était de faire de l'Internet 2.0, donc interactif, et essayer de faire participer les lecteurs algériens et peut-être d'autres lecteurs sur le net, dans notre site, en fait, présenter une information en direct, interactif, faire de l'Internet 2.0, en fait. Internet 2.0, donc participatif, interactif, indépendant, c'est aussi un adjectif qui s'irait volontiers à votre journal électronique. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est Internet est aussi le haut lieu de la rumeur. Comment faites-vous pour ne pas justement tomber dans ce panneau, gros panneau-là? Ben, c'est simple, en fait, on a des journalistes professionnels. Donc donc on filtre l'information, on la vérifie avant de la publier. En plus, on fait appel à, généralement, en fait, le journal il fonctionne sur des thématiques présentées chaque semaine avec un invité. Généralement, c'est des personnalités connues et compétentes de leur domaine respectif. Oui. Donc on filtre l'information. Il y a des gens professionnels, des journalistes professionnels. Donc, on fait notre travail professionnellement. On évite effectivement tout ce qui est rumeurs, diffamation, etc. Mmh. Donc, vous êtes dans les standards du métier, information sourcée, recoupée, et vous procédez aussi à une revue de presse hebdomadaire, si j'ai bien lu votre site. Oui, effectivement, en fait, on fait une sélection des meilleurs articles sur le web et sur la presse algérienne quand il y a des sujets qui nous intéressent. Proposer une revue de presse quotidienne, des fois pas hebdomadaire, parce qu'on fait une thématique, c'est vrai, il y a un sujet qui est traité par semaine, avec un sondage, une caricature, des articles et un invité, lequel l'invité, les lecteurs peuvent l'interpeller avec des questions. Mm-hmm. Et en fait, même votre invité, le contact avec l'invité pour ce qui est de vos internautes est interactif, enfin interactif, oui, exactement, je veux dire en direct. Vous fixez rendez-vous à vos lecteurs assidus, aux internautes assidus de votre site. Oui, comment ça se passe? En fait, on a deux méthodes de travail. Au départ, en fait, on a la thématique, on essaie de coller le maximum à l'actualité. Sinon, en fait, faire des prévisions. Et puis, on contacte la personne qui, à notre avis, c'est plus, en fait, à la thématique. Et qui, donc, une pertinence dans le choix de la personnalité. Voilà. Oui. Voilà. Et généralement, en fait, il y a soit l'interview par écrit. En fait, c'est une interview, on pose des questions un peu pour installer la thématique, oui. Soit par vidéo. Et puis, en fait, l'interview introduit le dossier. Après, il y a les lecteurs qui posent leurs questions pendant une semaine. Et les invités, selon, en fait, leur emploi du temps, soit ils sont là, assidus, en fait, ils viennent répondre tous les jours aux questions des lecteurs. Soit on fait sélection on laisse 3-4 jours aux lecteurs de poser leurs questions. Je fais une sélection, je fais un tri, une modération et j'envoie les questions à l'invité qui répond à d'autres questions et après on publie tout. Mmh. Alors, Algeria-du-6-focus. C'est Algérie-focus. Algérie-focus. Voilà, d'accord. Donc vous êtes établi à Paris, donc en France. Oui. Est-ce que vous n'avez pas une certaine difficulté à traiter une information, surtout nationale, eu égard à l'éloignement géographique? Non, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, effectivement, il y a le webmaster, il y a deux journalistes de collaborateurs qui sont installés à Paris, mais tout le reste, en fait, tous les journalistes sont établis en Algérie. Donc, quand vous dites tout le reste, c'est combien de journalistes à peu près? En fait, ça varie. Au départ, on était 5, y compris moi, plus souvent master. Et au fur et à mesure, en fait, il y a des gens qui sont arrivés. Il y a d'autres journalistes en formation, donc on les forme au fur et à mesure sur le terrain. Et donc, ça varie. On est, pour l'instant, on est 5, 6, 7, 7 personnes. Ça dépend, en fait, il y a des gens qui partent et d'autres qui arrivent. Donc, en plus, on a cette difficulté-là que, pour l'instant, on n'a pas de moyens financiers pour pouvoir intéresser des gens, en fait, des journalistes. Donc les gens qui sont avec nous en fait Algérie Focus, il a cette chance de pouvoir compter sur des gens qui sont plus animés par le désir d'informer que par celui du gain. Donc voilà, donc désir d'informer, rappelons la devise de votre site, c'est le devoir de savoir. Oui, je pense que c'est important aujourd'hui pour pouvoir se situer dans le monde, et il faut savoir s'informer et s'informer bien. Justement, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de rumeurs dans la presse, sur internet, donc peut-être sur internet même, ça se vérifie parfois sur certains titres papier, oui, écrits. Donc pour être vraiment informé, je pense que c'est un devoir d'aller chercher, multiplier les sources pour avoir une information fiable qui permet ensuite de se situer, de pouvoir avoir du recul par rapport aux événements, l'actualité, soit algérienne, soit internationale. Et dernière question, c'est celle qui a trait au financement de votre journal. Est-ce que vous gagnez de l'argent avec votre site ? Pour l'instant, en fait, on ne gagne pas de l'argent. En fait, au départ, c'était un challenge. En fait, on avait remarqué avec un groupe d'amis journalistes que l'internet algérien, vraiment, il est peu visible par rapport, si je fais une petite comparaison, par rapport aux voisins marocains et algériens. Donc, notre challenge. Tunisien, vous voulez dire? Tunisien et marocain, excusez-moi. Donc, notre challenge, c'est de démontrer qu'on pourrait faire des choses avec peu de moyens financiers, parce qu'au départ, le capital, c'était 150 euros. Pour l'instant, ça n'a pas évolué et on a commencé avec 5 journalistes et un webmaster. Et donc, un an après, donc on va fêter notre premier anniversaire le 1er novembre prochain. Donc, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment une demande de l'internet algérien, parce qu'on avait commencé avec 700 lecteurs par jour unique. On est passé à une moyenne de 13 000 lecteurs par jour. Donc, ça, c'est à peu près 400 000 lecteurs uniques par mois. Donc on s'est rendu compte avec peu de moyens on peut faire pas mal de choses intéressantes et intéresser un lectorat qui est là, qui attend en fait. Et pour le financement, pour l'instant on n'a pas encore entamé une stratégie en fait pour essayer d'intéresser les annonceurs. D'ailleurs je fais un appel, il y a des espaces de publicité traditionnelles, bannières, etc., fenêtres pop-up, tout ce qui est utilisé sur internet pour vendre des espaces publicitaires. Voilà, donc on fait un appel pour les éventuels annonceurs qui seraient intéressés par Algérie Focus. Et là, en fait, ce qui est problématique dans l'internet algérien, c'est que toute une culture, en fait, on est un peu en retard par rapport à ce qui se fait en Occident. Je peux citer le cas pas mal média français comme Bakchich, Rue 89. À un certain moment, ils étaient confrontés à ce problème de financement, de survie financière du journal. Donc généralement, ils proposent une partie du site payante où ils font carrément appel aux dons des lecteurs pour pouvoir justement garder cette indépendance en matière de ligne éditoriale. Puis une certaine couleur citoyenne, j'ai envie de dire, des sites que vous venez de citer d'ailleurs, pour revenir à l'actualité. Le premier, donc Bakchich, est un site d'information qui va bientôt se décliner en support papier. Restez avec nous, monsieur Arinsal, on va vous garder jusqu'à 10h, pourquoi pas. Et tout de suite, nous allons nous intéresser au financement, ou plus précisément à la publicité sur internet avec Lina Sopri. C'est tout comme votre émission média à retrouver tous les matins de 9h30 à 10h du dimanche au jeudi sur Alger Chaîne 3. Fenêtre pop-up qui s'affiche et qui s'ouvre d'une façon intempestive et qui des fois vous irrite, bannière. Expliquez-nous tout cela, Lina. Bonjour les dames. Donc, vous savez, c'est 1,9 milliard d'euros qui ont été investis cette année durant le premier semestre 2009 sur le marché de la publicité en ligne, soit une hausse de 8% par rapport à l'année dernière. Vous savez qu'on est en crise, que le monde est en crise. La crise financière a touché bien des domaines, et notamment la publicité. La plupart des annonceurs ont revu leur budget communication à la baisse. C'est les premiers budgets à faire... à faire les frais d'une coupe budgétaire. Hein. C'est ceux de la communication et du marketing en général. Absolument. Et donc, mais seulement, la publicité en ligne n'a pas baissé. Au contraire, elle a augmenté. Elle a augmenté et elle s'attribue aujourd'hui 23,5% des parts de marché. Pour la première fois, les investissements publicitaires sur Internet, enfin Internet est le premier média en termes de dépenses publicitaires. Et pourquoi cela ? Pourquoi ? Parce que aujourd'hui... Pourquoi est-ce que sur Internet ça grimpe alors que partout ailleurs ça chute ? Les annonceurs ont très bien compris qu'aujourd'hui Internet, beaucoup d'entre nous ne peuvent plus vivre sans Internet. Ils sont aussi séduits par la mesure d'audience, par les sondages, par le retour sur investissement. Donc ils ont compris en fait par des sondages, par des techniques qu'il est le média qui permet... qu'il est le média qui permet justement un grand retour sur investissement. Donc on remarque une chute par contre pour les dépenses publicitaires à la télévision qui ont chuté de 17% et qui ne s'attribuent aujourd'hui que 21,9% des parts de marché. On rappelle que ce sont des chiffres mondiaux. Chiffres mondiaux, oui, bien sûr. Et sur les 100 premiers annonceurs qui investissent sur les médias, 93% d'entre eux ont investi sur Internet cette année. On parle du premier semestre 2009. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Internet est en train de devenir le média qui est au cœur des campagnes plurimédias. Mmh. Une campagne plurimédia, c'est-à-dire qu'un annonceur qui va investir va choisir les médias les plus importants, notamment radio, télévision, presse et Internet. Aujourd'hui, il est inenvisageable pour un annonceur d'investir ailleurs que sur Internet. Donc, il commencera sa campagne par Internet. On verra avec notre invité présent sur le plateau, Bachir Skander, qui est, je le rappelle, co-directeur de l'agence 84 et aussi initiateur d'Algérie 360. D'ailleurs, la plurimédia, c'est aussi et beaucoup du marketing à 360. Et on verra ça dans un petit moment avec vous. Mais pour l'instant, eh bien, vos réactions à vous, très chers auditeurs. Consultez-vous la presse sur le net ? Oui, non ? Quelques-unes de vos réponses. Lisez-vous la presse sur le net ? Oui, bien sûr. Vous préférez quoi, le papier ou le virtuel ? Le papier, comme tout le monde, je crois, non ? Je préfère le toucher, c'est ce qui m'intéresse. Ça m'arrive parfois, je préfère la presse écrite. Oui, de temps en temps, mais je préfère le papier, question d'habitude. Papier, parce que, je sais pas, mais c'est une habitude, la réelle, voilà, finalement. C'est mon premier réflexe le matin quand j'arrive au bureau, si j'ai pas acheté les journaux. Et vous préférez quoi, le papier ou le virtuel ? Les deux, le papier il est plus palpable quand même. Mais le virtuel, c'est quand on n'a pas acheté le journal le matin qu'on va vers le net. Serait-ce parce que nous sommes des Méditerranéens, serait-ce parce que nous adorons ce rapport charnel au papier, mais voilà, et ce qui ressort de ce micro-trottoir réalisé par vous, Lina Sopri, c'est que les quelques personnes que vous avez interrogées, elles préfèrent toujours le support papier. Est-ce votre cas, Bachel Skandar ? Le support papier, c'est bien, mais... il faut d'abord acheter le journal. Mm-hmm. Sur Internet, la plupart des gens ont Internet à la maison ou bien au bureau. Donc ils préfèrent, lorsqu'ils rentrent au bureau, le premier quart d'heure, lorsqu'ils sont bien assis sur leur chaise, ils font un tour sur ce qui se passe sur tous les quotidiens nationaux. Mm-hmm. Et là où intervient la presse électronique. Donc à ce moment-là, la personne, d'un simple survol, elle peut voir ce qui se passe et ce qui est dit sur les différents médias. Voilà. Mm-hmm. Donc au lieu d'acheter les différents quotidiens nationaux et tout, ils ont une centralisation d'informations sur Internet. Mm-hmm. À saluer d'ailleurs les webmasters des différents quotidiens nationaux qui, eux, sont présents sur le net, parce que la presse algérienne fait partie, du moins, sur la sphère régionale de la presse qui est, ma foi, comment dire, actualisée en temps et en heure. Vous ne trouverez pas l'édition d'hier sur un site, par exemple, aujourd'hui, comme ça peut se voir chez quelques-uns de nos voisins. La réaction avec Monsieur Ansar de Focus, d'Algérie Focus, en direct avec nous de Paris. Oui, par rapport à la presse écrite, mm-hmm. en Algérie, en fait, il y a un projet de connecter 6 millions de personnes d'ici 4 ans. Je pense que l'Internet, pour l'instant, ça commence en Algérie. À mon avis, en fait, en tant que journaliste, j'ai l'impression que les journalistes algériens sont pas assez engagés et assez impliqués dans l'internet algérien. Ouais. Automatiquement, en fait, les gens continuent à lire le journal papier. Quand vous dites qu'ils sont peu engagés, peu impliqués dans l'internet algérien, ce serait dû à quoi, selon vous? Je pense que quand je dis qu'ils sont moins impliqués, c'est par exemple, on remarque, pour prendre l'exemple en France, ouais. Chaque journaliste, en fait, il a au moins un blog. et il diffuse des informations qui sont pas forcément, qu'on trouve pas forcément dans le journal dans lequel il écrit. En fait, d'ailleurs, c'est la stratégie qui est envisagée par pas mal de journaux, j'allais dire. De journaux qui ont une information qu'on trouve sur le support papier, on la trouvera pas sur le site internet, par exemple. Voilà, donc c'est soit une information complémentaire, soit une information qui n'est pas complémentaire et qui a trait avec des sujets qu'on n'a pas jugé utile de mettre sur le support papier. Ça fait partie aussi d'une stratégie bien étudiée. Justement, en fait, c'est cette stratégie-là qui n'est pas encore mise en place dans la presse algérienne. Il y a le journal Khabar et Al-Watan éventuellement aussi, qui commence justement à s'intéresser à une rédaction spéciale pour le net. Mm-hmm. Donc ça fait un appel en fait de lecteurs et ça peut intéresser plus de monde et justement de modifier le comportement du lecteur algérien pour qu'il puisse en fait d'aller en fait il peut garder toujours son journal papier et éventuellement aussi aller faire sa revue de presse sur internet. Mm-hmm. Donc voilà, donc il y a les professionnels aussi qui sont pas encore assez impliqués dans l'information sur internet. Mm-hmm. Est-ce que vous connaissez le site Algérie 360 lancé récemment au mois d'août actuel? Oui, je l'ai remarqué, c'est un site qui est super bien et très présentable et très clair à lire et tout, c'est très. Merci beaucoup, on vous remercie. Hein. Je vous en prie, je trouve que c'est une vitrine aussi, j'ai eu vent en fait de dans le débarcamp, en fait ils étaient présents dans un barcamp, chose aussi. Ouais, on est des membres actifs du barcamp. Voilà, ouais. Donc c'est chose. Qu'est-ce que le barcamp, messieurs, pour nous qui ne savons pas ce que c'est? Je vous laisse, M. Scandale. Oui, allez-y. Donc, le Barcamp, c'est un cercle où il y a différents acteurs médias, mm-hmm, et des activistes du Haïti, mm-hmm, se regroupent pour essayer d'étudier des projets ou bien mettre en œuvre des idées qui ne sont pas encore palpables. C'est une espèce de collège de toutes les personnes qui évoluent dans le monde de l'information et de la technologie et de l'information et d'Internet. Voilà, mm-hmm, surtout d'Internet. En fait, c'est un passage du virtuel au réel. Les gens qui se connaissaient par des pseudos ou par l'échanger sur Internet, ils se rencontrent pour discuter justement. Les forums, les blogueurs et compagnie. Mm-hmm. Voilà, donc ça réunit les gens réellement. Ils discutent sur les nouvelles technologies, comment utiliser Internet, qu'est-ce qu'il faudrait faire et tout. Mm-hmm. Et ça permet aussi de démocratiser, de vulgariser l'information autour d'Internet. Et je pense aussi qu'il faudrait qu'il y ait un suivi de la presse algérienne, qu'elle doit couvrir ce genre d'événement pour pouvoir après intéresser les lecteurs. Et automatiquement ils vont partir lire ce qui se passe sur Internet parce qu'il y a un contenu. En fait, pour créer l'appel d'offres, j'allais dire, pour créer la demande sur Internet, c'est cela. Créer en fait un appel d'air sur Internet parce que c'est un média incontournable et la presse écrite, pour l'instant en Algérie, le problème n'est pas encore ressenti, mais je pense. Très paradoxalement d'ailleurs. Je pense que tôt ou tard, le problème de la presse écrite va se poser parce qu'il est déjà posé partout ailleurs dans le monde. En France, les gens se posent des questions sur l'avenir de la presse écrite. Il y a des spécialistes qui lui donnent encore 7 ans pour qu'elle disparaisse. Ah ben, si Dieu nous crée de vie ainsi qu'à cette émission, nous reviendrons d'ici 7 ans. Merci beaucoup, monsieur Rinsal, pour votre disponibilité. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Bien du courage à vous et en espérant vous revoir pour au bout du fil ou sur le plateau d'Alger Chaîne 3 pour une thématique qui collera aussi au journalisme électronique. Merci. Avec nous. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec nous dans les studios. Bachir Skandar, donc l'agence 84, Algérie 360, mais dans votre cas de figure à vous, c'est qu'à l'origine, vous n'êtes pas un journaliste. Voilà, nous. Donc, comment fonctionne, très très rapidement, comment fonctionne votre site et pourquoi est-ce que vous avez eu l'idée de le créer? Voilà, en fait. Le site, je rappelle l'adresse, algérie360.com. Avant tout, c'est un challenge aussi. En fait, on a voulu créer un média pour essayer de centraliser l'information qui se passe sur le territoire national. Donc Algérie 360, comme son nom l'indique, c'est 360 degrés sur ce qui se passe sur le territoire national. 360 degrés étant le nombre de degrés qui existe sur un cercle. Sur un cercle, voilà. Donc ça veut dire en omnidirectionnel, faire un tour complet sur tout ce qui se passe et tout ce qui se fait dans la sphère médiatique nationale. Voilà, nous, c'est pas notre cœur de métier de journalisme. Oui. Comparé à Algérie Focus, qui eux sont des créateurs et des éditeurs d'informations. Donc ils sont spécialisés dans le contenu, beaucoup plus que dans le contenant. Voilà. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des équipes de rédactionnels des chargés de contenu. On a aussi des journalistes pour superviser tout ça, sur par exemple des journalistes sportifs ou bien... Vous avez combien de journalistes à peu près dans votre rédaction ? En fait, on en a deux. D'accord. Voilà, on en a deux. Un sportif qui lui charpente tout ce qui est... tout ce qui est information sportive, autant dire que voilà. Hein, c'est difficile de passer outre en ce moment, voilà. Ça tient le haut du pavé. Parce que là il faut... c'est une course, donc il faut être parmi les premiers à avoir diffusé une information. Et cette information, nous, si on la reprend des différents quotidiens, on est obligé de mettre la source et mettre le lien direct. Parce que là, nous, on ne peut pas vérifier la crédibilité de l'information. D'accord. Donc, au fait, ce que vous faites, c'est juste recueillement. Face à, voilà. Vous recueillez des articles qui, eux, sont publiés dans les sites internet des différents... Dans les journaux. Les différents journaux de la presse nationale. Vous les répercutez en citant le titre dans lequel vous êtes parti chercher cet article-là. Voilà, cet article-là. Ça, c'est en fait parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de législation qui protège ce qui se passe sur Internet. Donc, vous n'avez pas d'entrave. Pas vraiment. D'accord. Pas vraiment. D'accord. Pas vraiment. En fait, on a pris contact avec quelques quotidiens pour dire voilà ce qu'on fait et tout. Et on a déjà été contacté par différents quotidiens pour le travail qu'on fait. Mm-hmm. Donc là, nous, on centralise l'information. Donc l'internaute, lorsqu'il vient sur le site, il a tout un panel devant lui de ce qui se passe. Sur le monde, mm-hmm. sur le monde entier. Donc, avec tout ça, il y a des fonctionnalités en plus qu'on veut mettre sur le site. C'est les prouesses techniques. Il y a aussi. Mais en fait, vous parlez de prouesses techniques, mais c'est véritablement ça votre cœur de métier à vous. Voilà. Parce que là, Agence 84, si je peux citer, c'est. Vous l'avez fait, allez-y. Ok. Donc, c'est une entreprise qui exerce dans les nouvelles technologies du web et du mobile. Donc, notre cœur de métier, c'est les composants créatifs à forte valeur ajoutée. Mm-hmm. Donc, par exemple, sur Agir 360, comme on a fait dernièrement, c'est la diffusion du match en streaming sur le site qui a été... Quand vous dites match, vous parlez du match Algérie-Rwanda. Algérie-Rwanda, voilà. Ouais. Algérie-Rwanda et même Zambie-Égypte aussi. Donc, on essaye d'être au cœur de l'événement. Donc, on diffuse le match en direct et la particularité, c'est qu'on a un module à côté qui laisse les commentaires des spectateurs web, mm-hmm. voilà, qui peuvent commenter. Des web spectateurs. Des web spectateurs mm-hmm. qui commentent à partir de leur Facebook. Donc on a des commentaires qui mentent à côté, le match qui est là. Vous avez combien de visiteurs jusque-là ? Aujourd'hui, on est autour de 20 000 visiteurs. 20 000 visiteurs jour ? Par jour. En cumulé, ça donne ? Ben, il faut multiplier par 30 et... Ok, 20 000 par 30, ça fait quelque chose comme... 600 000 visiteurs, voilà, ça laisse rêveur. Un petit mot peut-être sur les hackers, le piratage informatique. Algérie Focus a déjà été piraté, à cause de la petite guéguerre que se livrent à leurs supporters algériens et égyptiens et différents sites qui ont été hackés. Est-ce que ça a été votre cas ? Pour l'instant, pas encore. Pas encore, voilà, c'était l'info. Algérie Focus, sinon Algérie 360, disponible sur le net. Nous, on est disponible sur Algéchaîne 3. Demain, 9h30, 10h, sinon d'ici là, portez-vous bien. Excellente journée à l'écoute des programmes d'Algéchaîne 3. Vouloir protéger son enfant, c'est tellement naturel. C'est ce que l'on appelle l'instinct maternel. Pour protéger votre enfant à partir d'un an, le lait de croissance Nespré 1+ de Nestlé contient du Prébio 1, un mélange unique de fibres qui le protège contre les mauvaises bactéries et renforce ses défenses naturelles. Alors, écoutez votre instinct en choisissant Nespré 1+. Nespré 1+ de Nestlé, quand nutrition rime avec protection. Le dernier top indique 10h sur Algéchaîne 3. Tout de suite, le flash d'information vous est présenté par Amel Labassi. Madame, monsieur, bonjour. Dans l'actualité nationale, retour sur ce drame. 5 personnes, dont 4 femmes, ont trouvé la mort dans un incendie qui a ravagé hier soir un atelier d'ameublement de couture implanté au quartier d'El Kifan de la ville de Tlemcen. L'ensemble des filières agricoles enregistre des hausses de production au troisième trimestre de cette année par rapport aux objectifs assignés dans le cadre des contrats de performance pour la période 2009-2014. C'est ce qui ressort du bilan présenté lors d'une réunion des cadres du secteur. Les assurances prennent déjà en charge les dégâts causés par les catastrophes naturelles. La sécheresse, jusque-là exclue, sera prise en charge. Elle a pénalisé par le passé pendant de longues années nos agriculteurs. Série d'attentats dévastateurs contre des militaires au Pakistan. Le bilan de l'attentat suicide perpétré hier par un kamikaze dans une ville au nord-ouest a atteint les 45 morts selon un nouveau bilan fourni aujourd'hui. Le quotidien Washington Post a affirmé que le président américain Barack Obama avait décidé d'envoyer en Afghanistan sans l'annoncer 13 000 soldats américains supplémentaires en plus des 21 000 renforts annoncés en mars dernier. La secrétaire d'État américaine Hillary Clinton est à Moscou pour une visite de deux jours qui s'annonce chargée avec au programme le nucléaire iranien, le